de guitare, répétez la mot, sac pas mon défilé, même mot moula. T'en mettez dans la tue, ou la bâtie mademoiselle, ma babou va pas t'en dédier. Sheila, Sheila.